Qu'est-ce qui est tout rouge, petit et qui gigote? Oh, c'est affreux. Ah. Qu'est-ce qui est tout rouge, petit et qui gigote? Eh bien, c'est un bébé qui suce des lames de rasoir. Oh. Non. Bon. Affreux. Et qu'est-ce qui est tout rose, petit et qui tape à un carreau? Un bébé dans un four à micro-ondes. Oh. Et l'autre jour, une fille vient me voir. En... Non, mais là, c'est une histoire vraie. Une femme en larmes. Non, mais il y a vraiment des grosses connes. Non, mais il y en a vraiment, je te jure. Tu te dis, putain, elle est belle, cette meuf et tout. Et dès que tu l'entends parler, putain, au début, t'avais la gaule. Et après, t'as la bite qui se ramollit, qui trempe dans le ventre tellement qu'elle est conne. Pas la bite, la meuf, hein. Elle arrive, elle pleure et dit, oh là là, j'ai mon chien qui est mort et tout. C'est épouvantable. Mais je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alors, elle avait un petit pékinois, là, un Yorkshire, caniche, là, ouais. Là, Yorkshire, et elle lui avait fait un shampoing et tout, elle le rince et tout ça, elle avait, son sèche-cheveux était en panne, tu sais où est le fou? Dans le four. Dans le four à micro-ondes. Le chien, il a explosé. Oh, mais me raconte pas des choses comme ça. Hein. Je te jure. Je déteste. Non, mais comment on peut être aussi conne pour foutre son chien dans le four à micro-ondes? C'est dommage en plus pour le four à micro-ondes. Hein. Ben oui, en plus il y avait du réginet partout. Oh là. Le chien il a explosé, elle l'a mis sur 5 minutes. Non. Le chien il tapait contre les murs de la paroi. Oh, non, non, mais fais pas des coups comme ça. Quelle horreur. Oh non, ne fais pas des coups comme ça, je t'en supplie. Un auditeur en ligne. La femme un jour, elle est en train d'accoucher. Et il y a la sage-femme qui sort le gosse. Poussez, poussez, poussez, poussez, poussez, poussez, poussez. Et l'autre est poussé, poussé, poussé, sort le gosse et tout ça. Et puis d'un seul coup, elle le prend. Elle le tape dans le mur, elle shoot, le docteur à côté, il retape dedans, il leur tape dans le mur, style un ballon de foot et tout. Elle fait, mais mon gosse, mais vous êtes fou et tout. L'autre, il fait poisson d'avril, il était déjà mort. Oh. J'ai mieux celle-là que celle du chien. Parce que j'ai mieux les animaux que les enfants. Une aussi. Voilà, c'est pour vous, voilà, c'est pour vous, c'est pour votre bonne bouche. Ouais, moi je suis un peu dur. Oui, c'est ça, va cuver, ça l'envive. Oui, bah reste ouvert, j'arrive. C'est divin, mon chéri. Il pète là, il pète. Thank you. grotte là. Oui. Good God. On se fait défoncer sur, on fait comme des morues. Ah ouais, oui, c'est une étoile. On travaille avec une règle. On se fait bourrer le rectum, on a des chiens sacs à foutre. On a des sacs à foutre, on a des petits birous. On fait des pêches foireux, on laisse des traces de feu. C'est très bien. Alors, ça, déjà, génial. D'une part, non mais, d'une part, techniquement, c'est pro. Allô ? Allô ? Allô, c'est Gédéon. C'est Gédéon. Mais c'est bon. Qui baisse quand il est rond ? Gédéon, eh bien, je vais te dire, mon petit chat, oui. C'est avec toi que j'ai le meilleur souvenir. Oui. Vraiment d'une bonne rigolade. Mmh. Tu te rappelles ça, Gédéon ? Oui, oui, mais Gédéon. Mais hier encore, je disais, mais oui, Gédéon. C'est Florent maintenant. Florent est annexé maintenant. Comment ? Oui, il maintenant. Maintenant, on m'appelle Florent dans le milieu. Alors, pourquoi dans Florent ? Parce que Pani. Ah, d'accord. Non, parce que tu m'avais dit. À la mode, ça comme. Tu m'as dit de m'appeler Florent. Ben oui, c'est mieux que Gédéon. C'est plus classe. Ouais, et c'est vrai que maintenant j'ai plus de classe quand même. Ah voilà, tu vois comme ça, faut changer. Hein. On dirait que tu prends un peu plus de tranxène que la dernière fois. Comment ? T'as pris un peu plus de tranxène que la dernière fois. Non mais. T'en étais au 10, t'es au 50 là. Ouais. De quoi ? De tranxène. Des médicaments ? Ouais. Mmh. Non. Non. Tu prends pas de médicaments. Non, tu te drogues pas. Mais du Gédéon, on se boit du GVOR aussi un peu, non ? Est-ce que tu le vin qui est Ravigore ? Oui. Gédéon, le vin. Nicolo, le vin des alcoolos. Voilà, Nicolo, le vin des alcoolos, ça c'est très bien. Maintenant, j'écoute beaucoup votre émission. Beaucoup, hein beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et tu nous appelles d'où, Gédéon ? Hein ? Tu nous appelles d'où ? Là, je suis chez moi. Chez toi ? Oui. Et tu habites avec tes parents ? Non. On t'a laissé un appartement tout seul ? Ben oui. Mais c'est un peu irresponsable, tes parents quand même. Oh là là, ils vont te couper le téléphone, t'as pas casqué, ils te préviennent là. Non parce que maintenant j'ai de l'argent un peu. Ah ça y est, qu'est-ce que tu fais ? T'as été ramasser du muguet ? T'as été vendre du muguet ? Ça va pas la tête. Non, je travaille. J'ai aidé des mecs à porter des sacs à main qui volent ? Ils volent le sac à main, ils te le donnent, ils t'ont dit je vais me le mettre un peu plus loin ? Non, je gardais des comment ça s'appelle ? Des radios, des trucs comme ça, je les gardais chez moi pour. Je suis les mecs, ils savaient pas où les mettre. Tu étais reseller. C'est ça, non ? Non, pas du tout. Pas du Rachid tout. Et Kamel qui volaient les postes. Et putain, tu les gardes à la zombie. Non, parce qu'ils me payaient 100 balles par jour, et je gardais des trucs, mais c'était pas voleur. Mais de base, que leur chemin, ça va demander au moins ça va être pour la radio. Peut-être, non ? Hein ? Mais t'es vestiaire. Tu étais vestiaire, c'est ça. Consigne ! Non, c'est pas pour ça. C'est parce que souvent ils oublient leurs clés chez eux et ils pouvaient pas rentrer. Oui. Donc je regardais. Ah bah c'est bien. C'est un joli métier. C'est un joli métier. C'est comme le mec, il est abruti, c'est. Et il va moi non mais non, non c'est l'histoire toi. D'un mec un mec il va voir il va aux impôts, il doit de l'argent, ouais. Et le mec il dit mais voilà j'arrive pas à sous-payer, je peux pas sous-payer et tout. Et le mec il dit, je peux vous donner 20-30 francs par mois. Et l'autre il dit mais comment vous êtes? Ah ben là ça y est, je vais travailler, je suis allé à un travail. Et puis ils ont dit que j'allais écrire, alors là ça va aller bientôt arriver. Et la secrétaire elle est tombée par terre de rire à côté, en comprenant quand même que quel c'était pauvre garçon. Un cas social. Oui, un mais il faut pas tirer sur les ambulances. Non mais Florent c'est bien quand même. C'est fait rigoler. Là t'as quand même trouvé une situation, je trouve. C'est bien. Mais je sais pas seulement ça. Est-ce que t'as une sécurité sociale en même temps? Non, je touche le chômage. Ah oui, bah c'est d'accord. Bien, en même temps tu cumules. Et est-ce que voilà. Tu as trouvé une c'est nous une qui payons amie, tout ça. Parce que je me souviens la dernière fois c'était un peu la misère. Hein. Attends, je t'explique. D'abord, il m'a fait une petite histoire. Bourville. Une vendeuse de crayons. Des cartes postales. Alors... Arrête. Pisseux. Et... Dites-moi. Alors. Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie? Alors, j'étais. Bon, déjà, j'ai un copain qui m'a passé gaufrage. Ah, il t'a passé le badge. Ouais. Tu sais où c'est qu'un doigt, il y a une meuf avec une jupe. Oui, on sait. C'est classe, quand même. Oui, c'est très classe. Ça, c'est Saint-Laurent, à côté, c'est vraiment. De la daube. Hein. Et j'ai été là-bas dans une boîte. Au 4 temps, au Midnight Express. Non, oui, c'est ça, la Défense. Eh ben voilà. À la 5... Ah voilà. Il y a un truc dans une galerie à la Défense. Oui. Au Midnight Express. J'ai changé avec la Bézu là-dedans, comment ça s'appelle? Oui. Midnight Express. Midnight Express. Et il y a beaucoup de bagarres. Oui, mais je sais pas, c'est bizarre. Et attends, j'étais là-bas et j'avais le badge. Ah. Je me suis dit, elle va connaître, tu vois. j'avais quoi. Et meuf me dit. Attends, Articos quand tu cules. Comment? Articos quand tu cules. Articule quand tu pètes. Oui. Bah, non, parce qu'on comprend pas tout et on manque quelques phrases du bonheur. Vous m'écoutez pas, c'est pour mais ça. Mais si on t'écoute, merde. Ah bon, voilà. Alors, tu vois, j'étais là-bas, et bon, elle me demande, c'est quoi, je connais ce badge et tout, toi, t'écoutes Future Génération. Je fais, bah ouais, j'étais devient fou, tu vois, je me dis, quoi, il y a des gens qui écoutent et tout. Et puis, elle me dit, comment tu t'appelles? Bah, je dis, bah, Florent. Elle me fait, Florent. Et elle me dit, c'est pas toi, parce que tu sais, on dirait qu'elle a reconnu ma voix, je sais pas pourquoi. Ah bah, ça. C'est un hasard, je sais pas. Elle me dit, je sais pas, j'ai déjà entendu ta voix. Ah, je suis, c'est pas possible. Elle me fait, t'as pas appelé à l'émission? Je fais, bah si, c'était moi. Et elle a dit, bah tu t'appelais Gédéo. Mais elle m'a dit, un nom bizarre comme Bartholomé ou je sais pas quoi. Ah, mais tu sais que ton appel a fait un carton. Ah ouais. Ah oui, celui-là aussi, hein. Ah oui, ça, je dois dire. Et tu sais, il y a un mec qui a parlé de moi tout à l'heure. Ouais. Tu sais le mec, là, l'arabe, là. Qui a appelé il s'agissait d'un homonyme. Et c'était un compliment. Non, c'était un compliment. Peter. Hein. Il a dit, il avait un camarade qui s'appelait Gédéon. Qui avait enregistré une cassette où il y avait eu ton appel. Tu fais partie du best-of. Hein, voilà. Tu fais partie du best-of. Et tu sais que la semaine dernière, de peu, on aurait repassé ton appel, mais je ne l'ai pas trouvé sur les cassettes. Et tu sais que j'ai un ami qui est passé en best-of. Ah bon ? Il y a Guil, ouais. Tu te souviens ? Ce mec-là, je le connais. Il habite. Hein ? Et toi, t'habites où? Dans quel téléphone, coin? Hein, hein? T'habites dans quel coin? Moi? Oui. Moi, j'habite vers... je sais pas si tu vois, vers bas, pas loin de Barbès. Ah bah c'est bien. Ah, bah... ah oui, on voit très bien. Oui, on connaît. Oh, très bien. Vers où, la tasse, grosse tasse verte en face des deux marronniers? Non, je sais pas si tu connais rue Joseph de Maistre. Oui, il y a un commissariat, c'est plus haut que Pigalle, un peu. C'est Joseph. Ouais. Joseph de Maistre. Oui, Geneviève. Ouais. À côté, oui. Ouais, il y a des tables. Vers le lycée Jules Ferry. Voilà. Il y a des meufs qui sont aux asperges, là-bas. Mmh. Ouais, c'est bien, là. Et je t'ai pas fini mon histoire. Ah, on t'écoute. Ah, ouais. Et la fille, elle a rigolé avec moi et tout. Et tu vois, je l'ai tchatché, comme on dit. Ouais. Ah. Et après, je l'ai embrassé. Et je lui ai laissé mon numéro, elle m'a pas rappelé. Oh, c'est étonnant. Ben, c'est un premier pas. Mais attends, il y a mieux, attends. Ah bon. Et tout à l'heure, il m'a remis un truc fantastique. Ah. J'étais à la manifestation là, pour contre Arafat. T'étais contre, toi. Alors, toi, tu étais quoi? Hein? Les juifs ou les non-juifs? Moi, j'étais avec les juifs, moi. Ah, voilà. Alors, les juifs contre Arafat. Parce qu'il y avait les non-juifs contre Arafat, les juifs pour Arafat et les non-juifs pour Arafat. Il y en avait quatre, non? Il y a eu quatre manifestations. C'était les juifs. Il y avait ceux à d'enfer, il y avait ceux à Copernic. Moi, j'étais à Copernic, moi. C'était génial, hein. J'étais à Copernic. Il y avait de l'ambiance. Ah ouais, fantastique. Vous distribuez des loukoums, des galettes et tout. Non, mais j'étais 100% avec eux. C'est pas Asie, mais. C'est. De toute façon, c'est. Moi, j'ai des origines un peu lointaines, hein, mais je suis. Un peu fudge. Ah ouais, je suis tout à fait avec eux. C'est terroriste et. Très bien. Et il y a eu trahison. Très bien. Ça, c'est bon. Enfin. Je passe à la politique parce qu'il y a aussi des Arabes qui écoutent, et puis là, bon. On parle de ses opinions. On parle de baisse, quoi. Ouais, absolument, oui, revenons bon, à enfin, un bon. Alors. Et il y a une meuf, elle vient, elle me dit, t'écoutes ça, toi? Alors je fais, bah ouais, et tout. Ça s'appelle le même scénario, mais là, je le sens bien, parce que après, elle m'invitait à boire un coup. Oui. Au Barcelé, je crois. Ouais. Vers l'avenue Gabriel. Oui, voilà. Berceler. À gauche, en tournant. Oui. Ouais. Là où il y a des voitures garées. Oui, voilà, souvent. Mmh. Mmh. Où il y a des marcheurs de timbres. Voilà. Voilà. Des bûchers. Et le théâtre Marigny. Voilà. Et connaît. Et elle m'a dit, bon, bah, si tu veux, bon, tu m'as bien amusé et tout. Et on a rigolé, on a repassé toutes les émissions et tout. Elle m'a fait, mais t'es un peu mieux que t'avais dit. Ah. Elle m'a dit, parce que tu sais, tu m'avais dit que j'avais pas de dents devant, mais j'en ai encore. Hein. Ah, bon, qui les mauvaises langues, c'est David. David, c'était les crayons de Carcassonne. Les crayons de Carcassonne. Oui, la France médiévale. Non, mais. Touche de piano avec des noirs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chef-d'œuvre en péril. Bah oui, mais, Carcassonne, oui, c'est ça. Je l'avais bien entendu. La France médiévale. Et alors, il y a quand même quelques chicots. Non, il y en manque qu'une devant. C'est-à-dire qu'il y a un machicouli. Voilà. Non. Une colucherie. Une colucherie. Et alors tu as... Et alors je l'ai branché et tout. Et de la cochonne. Le problème c'est que... Bon, le problème c'est que... Le seul problème qu'il y avait c'est qu'elle est un peu grosse et petite. Et elle était pas très belle. Mais enfin bon. C'est pas grave. C'est un commencement, tu vois. Il y a une chatte quand même, hein, c'est pareil. Hein. Ben, je sais pas, j'ai pas vu, mais normalement je pense. Hein. Tu mets des lunettes de soleil, tu sais. Parce que les filles elles ont des chattes comme ça. Bien. Généralement, oui. Il paraît. Généralement, oui. Donc, alors, qu'est-ce que t'as fait avec le petit rouleau? Ben attends, je suis pas là encore. Oh. Je l'ai pas embrassé encore. Mais attends, à un moment, elle m'a dit, faut absolument qu'on se revoie et tout, tu me plais beaucoup. Ah, bon. Et elle m'a dit, dès que je t'ai entendu l'émission, déjà, tu m'avais déjà excité. Ah, mais oui. Ah, il y en a que ça excite, hein. Bah, tiens. Il y en a. Beaucoup. Et voilà. Et alors, est-ce que tu as conclu? Ben, normalement, ça doit être bon, non, parce que demain, je la vois, on va à Foire du Trône. Demain, on va à Foire du Trône. Ah, c'est le meilleur endroit. Tu l'amènes dans le bateau qui va dans tous les sens, il est très bien. Non, le bateau, non, pas le bateau. Ne me parle plus. Mais je l'ai raccompagné après. Ah. En métro. Et alors? Elle habitait après Bonne Nouvelle Saint-Denis, là-bas. Créteil préfecture. Allez hop, à Créteil, Thérèse. Accompagnant. Bonne nouvelle. C'est gentil. Rue Montmartre. Non, après, ouais, c'est rue Saint-Denis. Ah, voilà. Mais que des rues à putes. Elles sont toutes aux asperges. Ah. Non, parce que je crois pas que c'était une pute. Le mec passe une cherche appartement, 3 pièces, rue Blondel. Rue Asperge. Est-ce que, dis-moi mon petit chat, oui. La dernière éjaculation date de quand? Ben, je t'avais dit, j'avais éjaculé une fois. C'était avec... En 72, hein. 72 avant Jésus-Christ. Est-ce que t'as déjà essayé? Oh là, il va te violer partout. Il se vide comme un poulet là. Est-ce que t'as déjà essayé de chier sans pisser? Mais tu sais, tout à l'heure tu l'as dit. Ouais. Et comme par hasard, j'étais aux toilettes. Ouais. Mais j'ai pas essayé. Ah, t'as oublié. Mais tu recommences demain parce que... Parce que j'écoute les Walkman dans les toilettes. Ah. J'écoute Fétuation parce que... Et ça t'aidait à chier? Mais non, ça me fait rigoler. Parce que, tu vois, je peux pas louper l'émission. Alors quand j'arrive aux toilettes, je prends le Walkman. Quand je vais me brosser les dents, je prends le Walkman. Tu sais, j'ai un Walkman là, dans le métro. Tu te brosses les dents et la brosse, elle rentre pas à l'intérieur avec les chicots pérables? Non, mais... Je fais une brosse spéciale. Non, mais non, c'est jamais resté coincé. Voilà. Dans la plaie buccale. Est-ce que la brosse à dents est jamais restée coincée dans la plaie buccale? Non, parce que derrière j'ai pas de dents, donc ça peut pas rester bloqué. Ah, au fond il y en a pas non plus. Enfin, n'exagérons pas. Mais... T'es comme la Hubert. La Hubert, chérie, elle a 8 dents devant, mais très belle. Et si elle ouvre la bouche, tu vois dans le fond, chérie, t'as l'impression que... Le cirque de Gavarni. Le trou noir. Et j'avais un truc à vous dire. Oui. J'ai trouvé un truc vachement marrant. Oui. Tu vois, j'ai rigolé parce que c'est vraiment mon genre de truc. C'est un journal qui s'appelle Sexy Mag. Et je rigole comme un fou avec ça. C'est génial. C'est quoi Sexy Mag? C'est un journal, il y a un peu de sexe. Oui. Et puis il y a des trucs, des histoires drôles. C'est avec... une BD? Non, c'est un journal qui vient de sortir. C'est génial. Enfin, non, je sais pas. Tu es le rédacteur en chef. Merci pour la pub. Non, mais bon, j'avais rigolé et tout, et bah, j'ai des morts de rien. Et tu nous écoutes toutes les semaines, Gédéon? Ah ouais. Toutes les raisons. Et j'ai voulu appeler la semaine dernière. Ouais. Occupé. Bah, occupé. On était pas là. Hein? On n'était pas là. Moi, je sais. On n'est pas bien. Il y a Guy qui est passé. Il y a Guy. Ah, Yad Gil, ouais, il est venu. Il est venu. Il est marrant, lui. Écoute, Gédéon, on te remercie pour ta sympathie. Formidable. D'accord. Cet appel très touchant. Ta fidélité aussi. De voir quand même qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent toutes les semaines. Ah oui. Welcome. Oh mon ange. Le miracle a eu lieu. Enfin, nous nous retrouvons. Mais comment ils font ? Il faut que tu lui demandes de pisser, et puis après tu remontes le courant. Ça y est, c'est très bon. Comment ils font ? Moi c'est Moïse, c'est dégueulasse, faut pas le montrer. Je suis bon et tout, je dis ouais. Pris la 1, mais elle l'a mis sur sa tête. Ouais, non. La RTAP, hein. C'est la reine de la RTAP. Ouais. Tu lâches, tu laisses du mot, tu retires, tu... Oh, il compte. Oh oui, par derrière. Oh oui. Oh, ton petit trou. Pas tes jambes en l'air. C'est une endive. Mais oui, non. Attends, parce que je suis en train de tirer. Voilà, c'est ça. Pas le côté plus platonique, mais enfin... Non, mais c'est vrai, c'est Moïse. Je t'aime, tu m'aimes, nous aimons. Voilà, on entend des couches. Je sais pas, des carottes, des comme ça. Honte devant cette situation, somme toute. Non, pas du tout, pour moi. Un homme, je trouve. Mais ça, c'est honteux. Un quatre pareil, comme tout le monde. Mais quand même, là. Un jeu de bérave. Bon, y'a pas de gueule. Un concours, oui. C'est plus un truc, là, c'est un garage. Une disque, c'est pas une. Voilà, c'est ça, pas le... Ça vous offre parler de outre. Quel nerveux. Zaza, reste là. Il y a de la merde dans le tuyau. Oh, ils font. Mais qu'est-ce qu'elle va penser la meuf après? Vite en l'air, d'accord. Il fait énorme, mon cœur. T'es saoul, pouvoir pas. Et j'espère que vous allez tous jouer du pipeau. Et vos pampers pour ceux qui perdent leurs légumes. Et les pompiers, tout ça. Et bien avant minuit et demi, on va vous prendre. Dégage. Vous êtes joueuse. Tu te ramasses une toise, grosse pouffe. Et salut bande de bites, c'est Harry, les bons tuyaux. J'ai des ondes. Enfin, j'ai du métier. Non, mais il faut quelque chose. Une grosse bite. Oui, bon, je suis Cynthia. Je suis une prostituée du bain de Rémy. Et je fais la putain avec ses actions. Et je fais ceci. Vous avez une français aussi. Ma gros kiki. Oh bah ça m'a un peu rassuré. Voilà. Oui, le remix c'est ça, hein. Moi, oh, Johan, baisse cette musique. Salut bande d'enculés. Bon ben, j'ai changé de micro. C'est une parodie, hein, c'est quelqu'un qui imite. J'ai changé de casque aussi. Le temps que j'y suis, j'ai changé de benne. Il y a une trace de pneu, de tracteur. Bon, pour ceux qui adorent la musique, je vous laisse laisser jusqu'à la fin du générique. Salut, c'est Daisy. Et voilà, je vous présente le docteur Zizi. Une... Dangereuse. Toxicomane. Alors, tout de suite le courrier. Alors, je prends une lettre au pif. Alors, une facture de téléphone, 1500 francs. Tiens, c'est pour toi, Zizi. Une autre. Daisy, je vais t'enculer. Signé Guy Thomas. Bon, un admirateur. Bon, une auditrice en ligne. Enfin, j'espère. Bande d'enculés, je vais tous vous fumer. Ah, un petit jeune, un petit garçon. Voilà. Bien poli. Alors, tu as bipant et t'appelles d'où? Il y a des voitures garées. Ah d'accord. Mais t'as quoi là dans la bouche? Il y a deux couilles et il n'y a pas de bip. Mais, bah ouais, et qu'est-ce qu'il faut faire? Une quête de caquette. Oui, et ça te gêne pas? Ah, c'est dégueulasse. On aurait chialé. C'est dégueulasse, c'est épouvantable. Ça coupe la merde en deux. Parce que tu chies par la bouche. Mais qui vous l'a dit? Ben, personne, mais c'est comme ça pour les beurs, les noirs, les coiffeurs. Pourquoi les coiffeurs? Mais tu pisses aussi par la bouche. Essayez de chier sans pisser. Ah ouais, d'accord, je vois. Bonjour. Ah, toi ta gueule. Bon, décris-toi. Ta bite, elle mesure combien de centimètres? À 980 000. Ça, de toute façon, ça arrive qu'une seule fois tous les 10 000 ans. Ouais, avec voilà. Une perruque et une grosse gueule d'homme en dessous. Mais on parlait de poils de bite. Attends, attends. Jure sur la tête de ta merde que t'as jamais baisé. Attends, parce que je suis en train de tirer. Tu es très complexé de tapine. Moi, j'en ai marre de cette émission. Je me barre à l'île Maurice. Tiens, viens faire l'émission à ma place. Nous avons un auditeur en ligne. Vous êtes vraiment des dégueulasses. De haut, de nave, de guenuche, de venturne, d'endive et de baltringue. Voilà, donc il est plus simple que je... Débile léger. Enculé ! Putain, salope ! Angiome, c'est horreur. Espèce de grosse enflure. Petit salope. Tu vois, il sait, je crois que j'aurai une tumeur au cerveau par la méchanceté et les horreurs qu'on a pu raconter. Parce que bande d'enculés, vous commencez à nous gonfler ! Tu vis sans raison, sinon disco et musique si nulle. Car au fond t'es bête à bouffer du son. Et à part la télé et la danse, tu lis pas. À part le flop 50, tu ne penses pas. Si, parce que quand même j'ai rendu service beaucoup. Tu sais beaucoup, pourquoi Pascal, beaucoup. Les femmes elles ont pas de jambes. Les femmes elles ont pas. Tu sais pourquoi les femmes elles ont des jambes? Non. Ben, c'est pour éviter qu'elles fassent des traces comme les escargots. Oh. C'est horrible, c'est horrible. Et la daube qui sort de ton cul, David. Ouais, exactement. Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose? Tu vois que je suis là pour te défendre. Merci, quand même. Ouais, mais au moins il y a la bite si je marche en avant qui va tout essuyer. Bah non. Non, mais non, puisque c'est derrière ton cul. Alors là, derrière. Ou alors faut que tu marches en reculant. En crabe. En crabe. C'est affreux. Et la teub pleine de daube et tout. Oh là là. Non, mais c'est vrai, Dieu a mis des jambes aux femmes pour pas qu'on les suive à la trace. Ah. Si, ça fait tant d'éponges, c'est moi un peu mouillé par ça. Les escargots, ça fait un peu beau. Voilà, tu connais ça, Pascal? Mais mon arrière-grand-mère, qui vivait encore à une époque reculée, elle avait des robes qui allaient jusqu'à par terre. Tu sais, elle avait les robes jusqu'à par terre. Elle avait une. Jusqu'à par terre. Jusqu'à par terre. Elle avait. Ah bah, alors ce que vous dites, ah, c'est bah, pas voilà, c'est... Elle avait une culotte avec une fente au milieu, et quand elle s'arrêtait au milieu de la route, ça veut dire qu'elle pissait. Et moi, tu veux que je t'explique un truc? Les vieilles femmes, il y en a beaucoup. Beaucoup. Qui n'ont pas la possibilité, je te jure, non mais ça c'est vrai, d'enlever leur culotte. Non mais je connais aussi des vieilles tapettes pour des galettes au cul. Tu sais que c'est très dur. Qui se chie sur elle. Tu sais que c'est très dur pour quelqu'un. Quoi, galette au cul. Tu sais que c'est très dur pour quelqu'un qui n'est pas très potent d'enlever. Les parkinsoniens. Non mais font. D'enlever ça. Non mais je vais t'expliquer. La samba permanente. Non, parce que quand t'as envie de pisser, t'as pas le temps. Non mais Pascal, non mais le problème c'est que pour branler c'est super une Parkinson. Ah, à vibromasseur. T'as pas besoin de bouger. Pas besoin de pile. Recherche femme atteinte de maladie de Parkinson pour branlage réciproque. Ah ça. Non mais. Bah alors non. Il y avait un joli métier. Non, hein, nous avons Thierry en ligne. Mais je voulais avant tout vous expliquer pour les vieilles femmes. Parce que le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas se plier par terre s'il n'y a pas une cuvette qui les retienne. Donc elles peuvent pas plier, elles tombent à la renverse. Et le fait d'avoir une culotte, ben elles ont du mal à l'enlever. Et alors, il y en a beaucoup, si, elle dégage la chatte par le tissu qui se trouve. Ah oui. Tu l'as fait, ça, espèce de grosse pute. Tu l'as fait ou pas? Dis-le à l'antenne que tu l'as fait. Je l'ai fait dans des chiottes à la tuque. Bon, voilà, et ben c'est toujours comme ça. Et moi, alors, voilà, j'en ai vu, je vais te dire, j'ai tout un exposé là-dessus. On a la vidéo. Alors, elles ne peuvent pas, déjà les femmes, beaucoup ne peuvent pas tenir, plier pour pisser. Mais donc, même, elles pissaient debout comme les voilà. vaches. Alors, comme les vaches. Les femmes, un peu impotentes, pissent debout et elles ne peuvent pas mettre la culotte sur le côté, alors elles le descendent dans les jambes. Alors, elles se pissent dessus parce que la culotte l'empêche d'écarter les jambes. Elles pissent dans les la culotte. Les bas qui font rigole. Elles pissent dans la culotte. Les bas. Qui font gouttière. Qui font rigole. C'est épouvantable. Alors. Les bottes qui font bâcher. Je vais vous expliquer. Et surtout non. Quand c'est sur des bas à varices. Des bas à varices avec les canaux. Et avec la gaine. Comment on fait? On ne parle jamais des gaines. Et après, ça fait. Madame sans gaine. Et non. Et le gros problème, alors, c'est quand les femmes. Quand les femmes dégagent le bout de culotte, tu sais, qui est contre la chatte et qu'elles tordent un peu sur le côté. Et qu'elle torde un peu sur le côté. Et le problème, c'est que là, pour s'essuyer la chatte, comment elles font? Parce qu'elles ont la culotte dans une main qui est tendue contre la cuisse, et après il faut attraper le papier et se torcher la chatte. Elle tombe par terre normalement. Ou soit, elles sont obligées de lâcher la culotte, et le papier n'a servi à rien. Mais... Donc, celles qui font ça ont la dernière goutte qui va dans le ben. Non. Comment t'as pu faire? Moi j'avais préparé à l'avance. J'avais préparé mon t'as mis du papier pour faire filtre. Pour enlever les impuretés. Non, mais tu sais, sans déconner, c'est comme l'eau distillée. Après, non, mais sans déconner, il y a plein. Attends, on a tiré en ligne. Il y a plein de femmes qui s'essuient pas. Ah oui, beaucoup. Ah, ça, on n'en parle jamais, mais il y a plein de femmes qui ne s'essuient pas. Elles mettent leur culotte ça. Directement. Et il y a beaucoup de mecs aussi qui ne s'essuient pas. Ah ouais. Et il y en a qui se pissent dessus parce que des fois, il y en a qui ont des longs prépuces. Ouais. Des longs prépuces, je te jure. Des longs, il y a des fois des bites de. Moi, j'ai vu des photos. Ah oui. Mais ça va, vous avez vu ça quand même. 4-5 cm de prépuces. Ah, en photo. Ouais. Et ça, moi, en photo, j'en ai beaucoup vu aussi. Et ça, il n'y a rien de plus horrible. Qu'un mec qui a un pantalon clair avec une tache de pisse devant. Ah là là. Ça. Ah bah oui, mais les fleurs. ça. Mais alors, mesdames, surtout non. Faites bien attention, essayez de préparer le terrain. Ou évitez de mettre des culottes si vous êtes sûr de pas trouver de trône. Ou des pampers. Les messieurs qui ont des pantalons clairs et qui laissent une goutte dessus, s'il y a une personne qui vous aborde, c'est zaza. Voilà. Il y a pas de. C'est ça. Ça peut troubler. Hein, ça peut. Hein, ça peut. Et alors, pour ceux aussi qui chient dans les chats, je reçois beaucoup de courriers. Je reçois beaucoup de courriers sur les personnes qui disent mais comment on fait? Lorsque on est dans un petit appartement qui a des chiottes et qu'on est avec un camarade et quand on va aux chiottes. Alors pour pisser, c'est pas trop grave. Mais alors quand vous chiez. Là, il y a le gros problème. Ça peut tuer l'amour. Alors soit la personne est ah oui. Alors ça, les histoires de merde, de chiri et tout, ça peut dégoûter votre partenaire. Explique-moi parce que moi j'ai pas de problème. Déjà, si vous chiez, vous faites pas trop de bruit. C'est-à-dire que la merde n'est pas trop encore fabriquée, il y a un problème. Allez, on monte un peu le La radio. Non mais ça c'est le problème, c'est s'il y a pas de radio. Alors vous montez la radio déjà. Mais s'il y a pas de radio et tout se passe dans les chiottes. Alors, il faut faire magouille, parce que là, sinon... Mais explique-moi, parce que justement... Le colombin qui tombe et qui fait flou... Le colombin qui tombe et qui fait flou, il faut lui apporter un matelas. Dans la lunette. Hein. Alors, déjà, vous prenez quelques feuilles de papier... Et vous faites un matelas sur l'eau. Super. Et là, quand vous faites tomber le gagaron, même s'il tombe de 1 mètre, le ça tombera un peu étouffé. Bon. Et comme ça, vous pourrez le regarder, parce que des fois... Parce que pour regarder son gagaron, il faut regarder avant de se torcher. Sinon, vous êtes obligé de mettre les doigts pour enlever les feuilles. Et oui. Donc, vous êtes obligé de vous lever. Donc, les fesses se serrent, vous en mettez partout. Et ça t'est jamais arrivé, des fois, quand il y a beaucoup d'eau et que tu fais des grosses merdes, tu sais, ça fait flop et puis ça remonte. Oui, quand il y a du bleu d'Auvergne, pour nettoyer les chiottes, ou de l'eau de Javel, ou quelqu'un qui a pissé avant toi et t'es obligé de tirer la chasse, et tu t'es dit, putain, merde, qui c'est qui a pissé avant moi? J'ai eu 3 gouttes dans le fion, pourvu qu'il soit pas pour Aga. Non, ça, c'est épouvantable. Alors... Je vous explique le plan du matelas pour la merde, pour amortir la merde, parce que c'est épouvantable lorsqu'une femme à côté ou un homme à côté est en train d'écouter sa fiancée cachier un monstre, a l'impression qu'elle a fait une fausse couche. Alors mettez un matelas de papier pour la daube. Bon, deuxième chose, si vous faites du bruit quand vous chiez, toujours le matelas. N'importe quel moment, il faut faire le matelas. Ouais, alors soit vous... Alors là, il risque de croire que vous êtes pulmonaire. Ou, en même temps que vous allez pousser, vous tirez la chasse en même temps. Ouais, mais tu t'en prends plein le cul. Non, tu te lèves. Ah, tu te lèves avant. Tu te lèves et tu pousses. Mais t'écartes toujours tes fesses, parce que sinon tu serres les fesses et ça sort en purée, comme avec une douille. Oh. Et alors, vous tirez la chasse, ou vous toussez, ou vous tapez des pieds, tu dis « Oh, merde alors ah, encore si un cafard si !» Non, parce que ça, c'est vrai que ça, ça arrive en plus que tu pètes en introduction avant de... Oui. Hein, ça, tu ça peux libère, péter. Ça arrive vachement à un témoignage. Et là, il y a le... Alors, avant l'arrivée, il y a le gaz qui part, et avant l'arrivée du général caca, alors vous avez tous les gaz asphyxiants, c'est les trompettes de la mort. Alors vous avez les trompettes de la mort qui arrivent, alors ça veut dire c'est très grave. Mettez une serviette éponge par terre pour pas que ça sorte sous la porte, et attendez, parce que je vous explique encore quelque chose de très très grave. Le général caca arrive, et là, à la limite, moi ça me plaît quand ça sent très mauvais, mais c'est épouvantable quand c'est l'odeur des autres. Alors, vous êtes à moitié asphyxié, ça fait du bruit parce que vous avez oublié de mettre du papier, mais ça sent l'horreur. Et vous allez sortir des chiottes et vous allez dire, mais c'est tout petit dans le studio. Je vais ouvrir la porte, je vais la refermer vite fait. Mais si la demoiselle, elle passe derrière. Si la demoiselle, elle passe derrière. Moi, je te jure que si je me kenne une meuf qui débourre, style elle a bouffé une garbure ou 3 tonnes de lentilles... Ah, et ça sent l'odeur, style, elle s'est suicidée le cul. À la garbure. Allez, qu'est-ce que j'ai pu chier avec la garbure. C'était une horreur. Je croyais que tu te dire un attentat. Je croyais que c'était un attentat. C'était la cul contre cul, ils se répondaient de paix. C'était l'un l'autre, une symphonie. Un duo. Duo sur canapé. Alors, et alors donc, pour chier... Donc, alors donc, le matelas, je vous ai expliqué comment pour la chasse. Ouais. Surtout, pas laisser le cul quand vous tirez la chasse, parce que vous risquerez de vous faire beurrer à un coup de gagaron le fion. Alors, quand vous vous torchez le cul, toujours pour Pedro. J'ai l'air bien déluré. Hein. Allô. Allô. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bon, oh là. T'as quelque chose dans la bouche? C'est quoi là-bas? Non. Ah bon, je croyais que t'avais une pomme de terre chaude. Ah, ça a toujours. C'est Gédéon. Oh, je suis l'ours Sidonie, l'ours, nanana, en gilet et en franco. C'est quoi l'argot? Voilà. Mais on t'a déjà eu en ligne, toi? Non. Gédéon. Qui nous prend pour un con. Gédéon, te alors quel âge as-tu, Gédéon? J'ai 24 ans. 24 ans. Et alors c'est quoi, les garçons, les filles? Ben moi c'est les filles. Oui. Mais j'ai pas beaucoup de chance avec les filles. Tu bois beaucoup? Comment ça se fait? Est-ce que tu bois? Comment se fait? Je suis pas sous. Tu es passif? Je suis pas sous. Ah, tu n'es pas sous. Merci de le préciser. Ah, et tu as pris des cachets? Non. Ah. Mais... Tu as des problèmes. Alors, c'est ma voix qui est comme ça. Ah, c'est normal. Oui. Ah, d'accord, ok. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les filles. Non, quoi. C'est parce que tu as le trac. Non, mais ouais, mais avec les filles aussi, j'ai un peu le trac. Ouais. Il faut acheter un peigne pour les cordes vocales. Non, c'est vrai, Gédéon. Il faut un décodeur. Hein. Et c'est ton vrai prénom, Gédéon? Hein? Gédéon, c'est ton vrai prénom? Ouais. Faudrait peut-être que tu trouves un pseudo pour les filles. Tosman. Bah, non, tu vois, je crois pas que même si je changeais mon nom, je me ferais plus de toute façon. Si, peut-être, parce que si tu dis Gédéon, les filles vont croire que tu te moques d'elles. Tu crois? Tu devrais aller rue Budapest. Mais pourtant, c'est pas vraiment ça mon problème. Ah, c'est que j'ai une petite bite. Bon, ça c'est pas grave à côté de ce que tu as en haut. Tu te rends compte? C'est rien du tout. Mais la sécurité sociale, elle donne pas quelque chose dans ces cas-là, hein? La sécurité sociale, elle donne pas une des allocations, tu vois, pour... c'est quand même un handicap, là. Bah moi, de toute façon, je suis au chômage, là. T'as une carte handicapée? Non. 80%. Tu payes pas dans l'autobus, dans le métro, c'est pas mal. Moi, je suis au chômage, donc je touche le chômage, quoi. Non, mais déjà, les meufs, ils vont pas leur donner Gédéon. Ouais. Il faut leur donner, on va te trouver un pseudo. Qu'est-ce qu'on pourrait... Un truc un peu romantique. Florian. Ahmed, Zaza. Ahmed. Florian, voilà. Hein, Gédéon, il faut que tu changes ton prénom déjà, parce que là, c'est... Florent, comme Florent Panique. Ma mère, elle m'appelle Titou. Titou. Non, Non, c'est mignon. Titou, non, non, non. Fait, Titou qui prend tout dans le trou. Titou, non mais attends. Tu as un problème déjà à la hauteur du visage. T'as pas dans la bouche, tout est normal. Ouais, t'as toutes tes dents, tout est bien. Non, ça. Il en manque quelques-unes. Devant, ça va. Derrière, j'ai des caries, mais. Ouais, mais ça, c'est oui, pas grave. Ça, c'est derrière, pas grave. C'est comme la Uber. C'est mais bon, devant, ouais. J'ai presque toutes. Presque. Il y en a une sur trois. Oui. C'est Carcassonne et c'est créneau. Piano. C'est la France médiévale. Non, tous non. De piano, il y a que des noirs. Non. Et Chico Pérave. Non, parce que bon, je veux dire, encore s'il y avait Carcassonne, ça... c'est joli, moi je trouve. Mais ton problème de petite bite, c'est pas un problème, parce que déjà, il faudrait que tu la montres. Machicouli et créneau. C'est ça le problème, justement. C'est que déjà, j'ai dû faire des meufs, mais en plus, quand je les amène dans la chambre, ben, quand elles vont m'habiller, elles sautent de ma gueule. Est-on dit déjà? Comment elles disent? Ben non, mais bon, alors déjà, la dernière fois, je sors ma bite, quoi. Enfin, d'abord, bon, j'ai embrassé la fille sur la bouche. Bon alors après on était dans ma chambre et puis j'ai moi si vous voulez baiser. Alors, ah tu as demandé comme ça, est-ce que tu veux baiser? Ouais, je mais dis, pas si dire oui. Faire amour, quoi. Mais jamais te dire ah oui une meuf si tu demandes de baiser. Je lui dis tu veux on peut faire l'amour. Voilà. Et tu lui as dit comme ça. Ouais. Vas-y, refais la phrase. C'est le fils de Bourville, non? J'ai fait, bon, la meuf... Vas-y, on te laisse parler, hein. Ah. Alors, tu es dans la chambre avec elle? Ah, si, ça s'appelait Caroline. Ouais. Ah, j'ai Caroline... Bon, d'abord, on avait regardé des bouquins sur la littérature grecque, enfin, c'est rien, ça. Ouais, un coup de fin. Ensuite? Et je lui dis, et maintenant, tu veux pas qu'on baise? Direct. Direct, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit... Elle m'a pas répondu. Et puis, elle m'a dit... Et puis, elle m'a regardé, puis elle a dit d'accord, enfin, elle m'a embrassé, quoi. Oui. Et après, c'est venu tout seul sans rien dire. Ouais. Et là, quand elle a vu ta bite hein? Ben, bon, alors d'abord, ce que je voulais faire, c'est qu'on était dans le noir, tu vois. Ouais. Et j'ai dit, bon, moi, tu vois, je suis bien à l'aise dans le noir. Oui. Parce que quand c'est qu'on n'est pas dans le noir, je suis pas bien. Parce qu'elle voyait ta bite. Tu veux pas qu'elle voit ta bite. Ouais. Bon. Alors, d'abord, bon, j'ai aimé beaucoup de doigts. Parce qu'en plus, j'ai du mal à bander, quoi. Tu vois. Ouais, c'est normal. C'est en plus. Il y a un problème moteur déjà. Non, il y a un petit problème moteur déjà. Non, et un problème de corde vocale. Il faut que tu ailles passage de l'industrie. C'est de fourniture pour les coiffeurs. Et tu demandes, tu vas chez le marchand et tu demandes, monsieur, je voudrais un peigne pour les cordes vocales. C'est David qui m'envoie. Mais si ça marche c'est pas. Où, ça non, si ça marche pas. Tu vas dans une quincaillerie. Ouais. Et tu demandes une boîte sol du BHV. Une boîte d'étincelles. Mais c'est quoi? Mais c'est où tu trouves ça au BHV? Au sous-sol du BHV. Au sous-sol, tu vas au rayon quincaillerie. Voilà. Ou droguerie, que tu dois connaître. Tu dois connaître les rayons droguerie. Ah, droguerie. Mais tu trouves pas de ma gueule, là? Ah non, bah dis donc. Ah non. Bah alors hein. Non mais tu nous prends. Hein? On n'est pas Lune de Fiel, David et Zaza, hein? Non mais non. Si justement, justement c'est vous, David et Zaza. Non. Non. Et alors tu vois. Zaza, elle est par terre. T'as des problèmes de logistique. Oui. Non mais t'as un petit problème. Tu es très nerveux, tu dois être hyper nerveux. Mais c'est pas ça, c'est que tu vois, comme je suis pas très sûr de moi, je sais pas pourquoi, parce que vous mouchez. C'est normal, ça arrive. Et bon, alors j'ai un peu peur, et ça me fait perdre tous mes sens. Tout est sens, c'est-à-dire tu n'entends plus, tu ne goûtes plus, tu ne vois plus. Bah, je vois plus, surtout. Mais ça c'est. Et puis maintenant, mais si aussi, je crois que je suis sous toujours. Et puis maintenant, la rubrique santé. Santé, mon cul comme il s'en va. Ah, ben, mais la bite est vraiment petite ou ben, 9 cm quand même. Hein. 9. Une petite endive. C'est honorable.